À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président bangladais Abdul Hamid a fait parvenir un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire s'est convaincu que les excellentes relations bilatérales se développeront davantage à l'avenir aussi dans divers domaines. Il a souhaité santé et bonheur au maréchal Kim Jong-un et paix, progrès et prospérité continue au peuple coréen amical.